Vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Et après les découvertes archéologiques, nous allons rester dans le filon de l'histoire, mais en remontant plus près de nous. Histoire pour Histoire du Canada et Histoire de plantes. En fait, Curieuse Histoire de plantes du Canada, c'est le titre d'un livre qui a reçu le prix Marcel Couture au Salon du Livre de Montréal cet automne. Nous avions à ce moment-là déjà parlé avec l'un des co-auteurs du livre. Il s'agit d'Alain Asselin, qui nous avait fait un survol du livre, mais n'avait pas vraiment eu le temps de nous raconter ces fameuses histoires de plantes. Alors, on se reprend aujourd'hui. Alain Asselin, qui est aussi professeur associé du département de phytopathologie à l'Université Laval, est avec nous. Bonjour, Monsieur Asselin. Bonjour, Valérie. Alors, bon début d'année à vous. Eh bien, de même. Et alors, donc, des curieuses histoires de plantes, vous en avez beaucoup dans la tête. Et d'ailleurs, il faut dire que le livre comporte 2 tomes. Donc, évidemment, on ne racontera pas toutes les histoires. Il faudra faire un petit C'est tri. Bien malheureux. Mais je propose qu'on commence par l'histoire de l'Anedda. Donc, une plante qui a joué un rôle vraiment particulier dans l'histoire de l'établissement de la colonie en Nouvelle-France. Alors, est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu le contexte historique? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi était-elle si importante, cette plante? Oui. Et c'est vraiment une histoire tout à fait particulière. D'abord, c'est l'histoire de l'arrivée du découvreur officiel du Canada. Je dis bien officiel parce que il est clair qu'évidemment, d'autres personnes sont venues avant lui. Anonymement, mais... Oui. Mais notre ami Jacques Cartier a fait 3 voyages au Canada bien connus. Si on se rappelle, rappelons un peu le contexte de notre bon vieux livre d'histoire. 3 voyages au Canada, un premier en 1534 dans le golfe Saint-Laurent. Le deuxième, un hivernement. On passe l'hiver, la troupe de Cartier passe l'hiver à Québec, c'est à Donnacona dans le temps. Et le troisième voyage de Cartier en 1541-42, cette fois sous la responsabilité de Robert Val, pour tenter de partir, d'établir une colonie sur la falaise de Cap-Rouge. Mm-hmm. Alors, on oublie le premier voyage parce que, même si au point de vue des plantes, il décrit déjà quelques dizaines de plantes et il fait des mentions très intéressantes de toutes sortes de choses assez inédites, comme la première mention du maïs, du tabac. Ah oui. Oh, dont il trouve le goût très poivré. Mm-hmm. Et attardons-nous au deuxième voyage où là, l'hiver est plus que rigoureux. C'est pas l'hiver du début de janvier 2016. L'hiver est extrêmement rigoureux et les troupes souffrent, sa troupe de compagnons souffre de scorbut. Oui. Un manque de vitamine C, ce qu'on appelle une avitaminose C, c'est tout simplement un manque de vitamine C parce qu'on ne consomme pas, on ne mange pas suffisamment de légumes, de produits végétaux verts, les plus frais possibles. Alors là, c'est la débandade, ça va très très mal n'est pas exagéré. Et là, comme par hasard, il apprend des Amérindiens qu'il y a un remède très facile. Ben oui, parce qu'eux n'ont pas le scorbut. Voilà, et ils peuvent en souffrir, mais ils savent le contrôler d'une façon très, très simple. Et le remède s'appelle Anedda en langage algonquien. Non, algonquien, c'est-à-dire iroquoien. C'est-à-dire qu'il y a 2 familles. Rappelons-nous ces 2 termes. Il y a 2 grandes familles linguistiques à l'époque, au point de vue des Amérindiens. Les iroquoiens, comme Iroquois, et les algonquiens, comme les algonquins. Ces 2 familles linguistiques sont tout à fait différentes. Et Cartier a affaire à la famille iroquoienne. Et là, il apprend que ce remède est extraordinaire. Et ce remède est tout simplement un gros arbre, un gros conifère. Mm-hmm. On prend les aiguilles d'un gros conifère, on les fait infuser, on en boit en quantité suffisante et voilà, le miracle est accompli. On est guéri. Et Cartier, dans son journal, écrit « C'est tellement magnifique, tellement extraordinaire comme remède que non seulement nous avons été guéris du scorbut, mais nous avons été aussi guéris de la syphilis. » Intéressant. Oh, pour eux, c'est très intéressant parce qu'à l'époque, 1530 quelques, ça fait à peu près 4 décennies que la syphilis a été introduite en Europe et c'est une maladie bactérienne infectieuse très, très importante. Alors, Cartier a hâte de revenir, il est en forme, il est guéri du scorbut, il a hâte d'annoncer aux autorités de la métropole en France de dire, écoutez, la médecine européenne, elle est extraordinaire, elle est très bonne, mais la médecine amérindienne peut guérir bien des choses, dont la syphilis. Voilà, et la syphilis et le scorbut. Et voici... Il a probablement montré des échantillons de l'arbre Lanetta. Le problème, quel est cet arbre? C'est un gros conifère. Ben oui. Et là, au point de vue historique, il y a eu pendant des longtemps, on s'est amusé à s'obstiner, à avoir des débats sur l'identité botanique. On ne l'avait pas identifié à cette époque-là. Non, c'était un gros conifère. Non, mais c'est un plus. Gros conifère. Il y a des dimensions. Il a à peu près 10 brasses, c'est-à-dire 60 pieds de plus petit que le plus gros conifère. Mm-hmm. Ça, c'est facile. Le plus gros conifère, c'est le pin blanc. Oui. Alors, ça élimine le pin blanc. Mais il note aussi des dimensions de la circonférence de l'arbre. C'est incroyable. C'est tellement gros que c'est à peu près 6 pieds de diamètre. Alors, c'est immense. Mais à cette époque, ça pouvait être un gros sapin, une grosse épinette, un autre gros pin qui n'est pas le pin blanc, mm-hmm. comme le pin rouge, par exemple. Ça pouvait être le cèdre. Et là, pendant au 20e siècle, on s'amuse à s'obstiner dans la littérature scientifique un peu. Moi, je crois, tel auteur dit, moi, je crois que c'est le cèdre. Moi, je crois que c'est un autre arbre. Et on a résolu l'énigme? Non, malheureusement, la résolution finale n'est pas présente. Mais tous ont des opinions. Ouais. Et j'en ai une. Je me permets de vous... Vous nous la livrez? Oui, et je suis biaisé, je vous l'avoue. Je crois que c'est la pruche. Ah! La pruche. Ce n'est pas le cèdre, à mon avis. Ce n'est pas. Pourtant, un de mes collaborateurs, Jacques Mathieu, un bon ami, croit que c'est le sapin. Il a peut-être raison. Ouais. Mais la pruche a, je pense, à toutes les qualités médicinales, c'est-à-dire les contenus en vitamine C, mm-hmm. comme d'ailleurs les autres conifères, mais aussi d'autres propriétés. Et même du temps de Montcalm, la pruche était utilisée. Montcalm, dans son journal, parle de la pruche antiscorbutique en ces termes. Alors, ça donne quand même un bon indice. C'est ça. Ouais. On ne fera pas un débat autour de l'identité de l'Anedda. Mais ici, pas loin, il y avait le parc Cartier Brébeuf. Et c'est là qu'était cantonné Cartier et ses troupes scorbutiques. Et c'est là qu'il a utilisé les aiguilles d'un conifère qui ont permis de combattre le scorbut de façon efficace. Puis ce qui est curieux, en plus, avec ce qu'on découvre dans votre livre aussi, c'est que, bon, là, on vous parlait d'un gros arbre, mais Samuel de Champlain, lui, ne parlait pas d'un arbre. Ah, notre ami Samuel de Champlain. Notre ami Samuel a commis deux erreurs graves par rapport... Parce qu'il avait la mission, lui aussi, de gérer... et de remédier aux troubles scorbutiques. Et lorsqu'il était, avant d'être ici en 1608, de fonder Québec, il a séjourné en Acadie. Et en Acadie, il a subi des épisodes majeurs de scorbut, des pertes importantes et douloureuses de fatales. Et Champlain a la mission de tenter de trouver le remède, l'Anedda. Il est au courant de Cartier, il connaît le terme Anedda. Et là, on dit Anedda, mais à l'époque, il y avait des variantes. Ouais. Les gens disaient Améda, Anedda. Il y a différentes façons de l'exprimer. Mais il était au courant de Cartier, il est au courant du terme. Mais Champlain a cru... au malheur pour lui, que c'était une herbe et non un gros arbre, et il a cru que ses informateurs privilégiés devaient être des Algonquiens et non des Iroquoiens. Mm-hmm. Donc, il s'est adressé à au sens informatif, évidemment. Il s'est mis en contact avec la famille linguistique qui n'était pas la bonne. Mm-hmm. Et il a cru que c'était une herbe. Parce que Cartier avait indiqué dans son appendice, dans une annexe de ses écrits, il avait mis Anedda, virgule, herbe. Mm-hmm. Et pourtant, dans le texte, il décrit Anada comme gros arbre. Il fait, alors là, il y a des petites, des petits problèmes d'interprétation. Et notre pauvre ami Samuel de Champlain et d'autres et plusieurs autres ont subi les contre-coups maléfiques du scorbut à cause de l'ignorance de l'identification de l'Anada, gros arbre, nos gros conifères qui font notre pays, notre paysage. Ben, c'est ça d'abord que les Amérindiens utilisaient. On pourrait continuer à parler là-dessus, puis aussi sur la pruche, parce que je disais que ça avait servi aussi de... On s'en servait comme agent de tannage. Il y avait eu des tanneries à Québec. Donc, c'est d'autres choses qu'on peut lire. Là, je vais être chauvin. Oui? Vous venez de dire tannerie à Québec. Les premières tanneries sont à Lévis. Bon, à Lévis, excusez-moi. Il faut être sur la bonne rive. Mais c'est ma mémoire qui a fait défaut. Oui. Alors, un missionnaire, Louis-Nicolas, a été un missionnaire jésuite ici qui a séjourné entre 1664 et 1675. Et c'est une des personnes qui nous a livré le plus d'informations sur les sciences naturelles et les usages des végétaux. Et il décrit les usages de l'écorce de pruche pour le tannage des peaux à Lévis. Mm-hmm. Évidemment, il y en a eu à Québec. Il y a même eu des rues des tanneries, un secteur des tanneries à Québec. Mais là, je parle des années 1660. C'est bien avant les tanneries du 19e et du début du 20e siècle, ici à Québec. Les chauvins de Lévis ont de temps à autre des remarques sur cette... Ben, ils ont raison. Oui, précocité de la région. Je voulais faire une petite parenthèse sur la pruche, mais je voudrais aussi qu'on parle de l'arbre à couton. Oui. Ça, c'est une seconde histoire passionnante, parce qu'on a affaire ici à un personnage assez... spécial. André Thévet est un franciscain, un cordelier qu'on appelait à l'époque, qui était religieux évidemment, mais qui était surtout intéressé dans la vie à faire des voyages. Il était intéressé par la géographie, l'histoire, et finalement la partie cléricale était plus ou moins importante pour lui. Et il avait une personnalité tout à fait spéciale et il ne gênait pas aussi lorsqu'il écrivait pour inventer des choses et plagier des choses. Alors, c'était un personnage assez coloré. Malgré tout, malgré des petits défauts de notre ami Thévet franciscain, il quitte les ordres d'ailleurs à un moment donné pour autre chose. Et Thévet écrit en 1557 un livre dans lequel il mentionne qu'au Canada, on peut obtenir une sève savoureuse, très particulière, qui peut se comparer aux meilleurs vins d'Europe. Mm-hmm. Puis pas les vins, les petits vins de basse classe, les meilleurs vins. Et cette sève peut être récoltée d'un arbre qu'il appelle couton, C-O-U-T-O-N, couton. Quel mystère! Alors, couton, on n'en sait rien, personne n'a été capable à ce jour d'identifier précisément quelle est l'origine de ce vocable, de ce mot, mais... Évidemment, on devine, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais à la description de Thévet, il est clair qu'on parle de la sève de l'érable à sucre, qu'on parle de la sève des érables, parce qu'à l'époque, ce n'est pas seulement l'érable à sucre qui est source de la sève qu'on peut transformer en sirop et éventuellement en sucre. Alors ça, c'est une histoire tout à fait spéciale, parce qu'en plus, notre ami Thévet se fâche très régulièrement dans ses écrits. Il reproche, entre autres, à une autre personne, Jean Nicot, d'avoir été identifié comme le découvreur du tabac, alors que Thévet dit qu'il est, lui, le vrai découvreur et importateur de tabac. Et là, ça a fait un tabac, un petit jeu de mots ici facile, dans la littérature à ce moment-là. Et il y aurait beaucoup à dire sur le tabac, entre autres, parce que lorsque Cartier, entre autres, a fait l'essai du tabac poivré ici, tabac à pipe, il fume du tabac qui s'appelle le tabac, qu'on appelle maintenant le tabac des paysans ou tabac des Aztèques, contient 8 fois plus de nicotine que le tabac ah oui? ordinaire, le tabac qu'on appelle Nicotiana tabacum, de son petit nom latin scientifique. Alors, le tabac a été évidemment, et pour Cartier et pour Thévet, ils ont partagé une même expérience, et Thévet disait de son expérience que, si je me souviens bien, il disait... Attendez un petit peu, il dit ici nommément que, ah oui, le tabac lui a causé sueur, faiblesse, jusqu'à tomber en quelques syncopes. Mm-hmm. Alors voilà l'expérience pour TV. Oui. Pour le tabac. Et puis, continuons sur le sirop d'érable, oui. Parce qu'il y en a eu toutes sortes d'utilisations autres que... Bon, nous, on déguste le sirop d'érable dans différentes pâtisseries, en bonbons, etc. Mais il y en a eu d'autres utilisations. Oui, et croyez-le ou non, à l'époque, une des utilisations les plus importantes en masse, massivement, c'était l'utilisation médicinale. Le sucre sous toutes ses formes, le sucre de canne de sucre, le sucre d'érable, mm-hmm. les autres sucres, le miel, toutes les versions de sucre avaient des vertus médicinales, surtout pour traiter les maladies respiratoires. Mm-hmm. Parce qu'on en faisait des sirops dans lesquels on infusait toutes sortes d'autres plantes pour des propriétés médicinales. Donc, comme vous le dites à juste titre, vous avez raison, Valérie, de souligner les usages médicinaux très importants des divers sucres d'érable. Et ici, il faut retenir que les premiers colons, les premiers explorateurs utilisaient non pas seulement le sucre d'érable de l'érable à sucre, mais d'autres érables ouais. et aussi d'autres arbres ouais. comme le frêne, le bouleau, même le frêne mm-hmm. et même le carrier mm-hmm. Qui est une espèce qui peut donner une sève sucrée. Et il y a eu aussi tout un commerce un petit peu étrange de ce sirop, de ce sucre d'érable. Oui, oui. Et on pourrait, un commerce, oui, une femme d'affaires extraordinaire du nom d'Agathe de Saint-Père, qui était l'épouse de Repentigny, au début du 18e siècle, faisait le commerce à la cour de France, expédiait toutes sortes de dérivés de produits du sucre d'érable. Et à ce moment-là, elle parlait de sucre en pain. Mm-hmm. Nous, on parle aujourd'hui de pain de sucre. Mais elle, à son époque, expédiait du sucre en pain et toutes sortes d'autres produits à la cour de France pour obtenir des faveurs monétaires. Ah, ah oui. Des faveurs monétaires parce que la royauté, la cour aime bien ces nouvelles formes de friandises qui sont aussi d'usage médicinal. Mm-hmm. Mais vous me disiez qu'il y avait même de la fraude pour augmenter la quantité oui. qu'on mélangeait au sucre d'autres... Ici, dans notre colonie, ça a pris un temps de mouvement et on a trouvé les façons parce que le sucre d'érable était vendu, exporté comme d'autres produits médicinaux à bon prix, dans certains cas. Et la façon de générer plus d'argent, c'est d'avoir un pain de sucre, un sucre en pain le plus gros, le plus massif, mm-hmm. le plus pesant. Qu'est-ce qu'on fait pour adultérer, changer ce contenu? On ajoute simplement des farines. Oui. Et des farines de maïs. Oui. Et d'autres farines. Et on apprend vite à faire des dérivés solides, mais frauduleux. Ouais, donc tout ça, c'est des choses qu'on peut lire dans oui, ce livre. Oui, évidemment, voilà. oui. Mais il nous reste bien pas sûr. Beaucoup de temps, mais je oui. voudrais qu'on parle aussi de Michel Sarrazin. Oui. Parce qu'on connaît à Québec la maison Michel Sarrazin, mais on oublie un peu qu'il a été médecin de la colonie. Oui. Et qu'en plus d'avoir été médecin, il a été botaniste. Et qu'il a découvert une plante que les Amérindiens appellent « oreille de cochon ». Oui, Sarrazin, et vous l'avez mentionné à juste titre, a été médecin du roi ici, un médecin très efficace, même un chirurgien efficace. Il a opéré une religieuse de Montréal de façon tout à fait correcte avec une ablation du sein pour un cancer du sein, et ça a ah ouais? réussi. Mmh. Et Sarrazin, c'est un scientifique, entre autres un botaniste. Il collectionne les plantes, il les récolte, il en expédie à Paris, à ses collaborateurs du Jardin du Roi. Il fait toutes sortes de grandes choses au point de vue scientifique. Et en l'honneur de ses contributions énormes, un botaniste de l'époque, un des grands, sinon le plus grand, Tournefort, lui dédie le nom Sarracenia, S-S-A-R-R-E-C-E-N-I-A, Sarracenia, le nom latin du mot sarrasin, pour nommer une plante en son honneur, et parce que Sarrazin avait décrit d'une façon merveilleuse, par écrit, pour l'Académie des sciences, avait décrit cette plante, qui est la Sarracenia, qui est une plante carnivore de nos tourbières, une plante caractéristique en forme de cornet, en forme de tube allongé, qui a eu toutes sortes de noms vernaculaires, toutes sortes de noms communs spéciaux, burette, toutes sortes de choses. Oui, d'ailleurs, il y a un botaniste qui s'offusquait, l'abbé Ovid Brunet du séminaire de Québec, qui s'offusquait de l'usage du mot burette pour les Sarracénies. Alors, Sarrazin, en plus d'avoir été un médecin exemplaire à l'Hôtel Dieu de Québec ici, et on connaît, vous l'avez mentionné, Valérie, la maison Michel Sarrazin, était un scientifique et un botaniste de premier plan. Donc cette plante, donc la Sarracénie pourpre est nommée en l'honneur de voilà, Michel Sarrazin. Voilà. Mais c'est pas juste une plante, parce qu'en fait c'est le genre Sarracénia. Voilà. Le nom Sarracénia. Toute une famille de plantes. Voilà. Le mot Sarracénia décrit le nom du genre auquel genre peuvent être associés. Ils sont associés effectivement plusieurs espèces, dont la Sarracénie pourpre, qui est celle typique de nos tourbières du Québec, de la région propre de Québec ici. Il y a une famille de plantes qui s'appelle aussi donc les Sarraceniacées. Oui, donc aussi. C'est ça. Donc ça s'est étendu à plus qu'une plante. C'est un. Voilà, voilà. Et c'est en son honneur et bravo. Et à Sarrazin, qui est mort ici à Québec, en servant les malades de l'Hôtel Dieu de Québec. Bien, monsieur Asselin, c'est vraiment un plaisir de vous raconter, de vous entendre raconter ces histoires. Et pour ceux et celles qui voudraient d'autres histoires autant curieuses qu'intrigantes, eh bien, sachez que les deux tomes du livre intitulé « Curieuse histoire de plantes du Canada » en sont pleines, en sont pleins, puisque c'est des livres, ils en sont pleins. Et donc, ce sont deux livres qui sont parus aux éditions Septentrion. Alors, merci beaucoup, monsieur Asselin. Merci, Valérie. Je rappelle que monsieur Alain Asselin est co-auteur donc, de ce livre, et également professeur associé du département. À la retraite maintenant. Professeur à la retraite. Oui, j'ai eu une promotion. C'est une belle promotion, ça. Au département de phytologie à l'Université Laval.